Le groupe Belussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Top Chrono. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Week-end. Après, on va dire cette journée pluvieuse. Eh bien, maintenant, en place au sport, 1h30. Vous avez été, bien sûr, dans Dorloté avec cette belle page musicale juste avant. Eh bien, maintenant, la Dream Team de Top Chrono est là et on a les techniciens avec nous. 1h30 de sport. Installez-vous. Ne bougez pas votre poste radio. Vous êtes bien calés pour avoir toute l'information qui va peut-être vous séduire ce soir. Mais pour commencer, il faut toujours demander si la technique va très bien. Et Monique, qui est au four et au moulin, parce qu'elle aime ça. Est-ce qu'elle va très bien? Je vais très bien. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde plutôt. On va demander à Gilles. On va savoir s'il veut aller, s'il va très très bien depuis son épopée au stade des Verdots. C'était hier. Tout va très bien. Bonsoir tout le monde. Oh, monsieur de la Marquise, tiens, ça nous rappelle une émission de télévision menée par Jacques Martin. Tout va très bien. Est-ce que Jean-Yves va très très très bien? Très bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors il y aura Bip Bip Bougon, il n'est pas là, il va venir dans quelques minutes. Il y aura aussi notre ami Henri, monsieur Henri, ça fait un petit peu vouzou, mais non, c'est pas du tout. Il s'occupe du football, et tandis que Marie, bonsoir Marie, comment tu vas? Bonsoir, ça va très très bien. Allez, on démarre avec le sommaire, avec Marie. Alors, basketball, le SAP d'Avignon Sorgue fait le job face au Central Fédéral en National 1. Cette victoire nous rassure-t-elle? La nuit des champions Bruce Caudron et Naïté Di Slimani tombent sur plus fort en boxe point-pied. Rugby à 13, le SOA gagne et entraigue avec la manière. Tous les résultats de cette journée de championnat. Rugby à 15 en Fédéral 2, Poule 4, Château Renard au repos forcé. Et l'ASBC qui gagne à domicile. Réactions et commentaires. La Fédération française de rugby va tenir ses élections pour un nouveau président. Bernard Laporte est candidat. Il était à Châteauneuf-du-Pape et Fly FM aussi. Football, enfin, les championnats ont repris. Henri, Monsieur Foot, nous donnera les résultats. Athlétisme à Rochefort-du-Gard, on se déguisait pour courir. Bougon Didier, il l'est déjà, mais a-t-il les résultats? Rallye, le Var arrive et Florian Bernardi sera au départ avec la 208 T16. Horizon, le magazine des rendez-vous du week-end. Et ensuite, pour finir, Focus, le judo à l'honneur. Le club d'entraigue est notre invité avec Philippe Roux. Nous reviendrons sur les JO, mais aussi sur ce club qui monte. Voilà, le sommaire est fait. Place au résultat. Top chrono, basket. Allez, basketball, on va voir avec Marie la journée de championnat. On jouait la 12e journée de championnat et les résultats de la soirée. Alors, Caen, Jet Vosges, 79-74. Angers, Rueil, 73-83. Grand Avignon, Avignon-Sorgue, Centre Fédéral, 54-50. Andrézieux, Chalon, 85-79. Rennes, Orchy, 73-81. Saint-Vallier, Lorient, 99-92. Chartres, Griès, Oberhofen, 82-62. Souffelway, Kemper, 87-106. Tarbes Lourdes, Vitré, 72-70. Alors moi, je te demande juste savoir ce qu'ils ont fait, nos amis de Vichy qui jouaient en Pro B. C'est notre ami Stéphane Dao qui est entraîneur de cette équipe au Havre. Qu'est-ce que ça a donné le résultat, Marie? Vichy, le Havre. Vichy a gagné 83-77. À l'extérieur en plus. Bravo pour Stéphane. Revenons à ce National 1. Jean-Yves, parlons un petit peu de ce SAP Avignon-Sorgue. Est-ce que cette victoire, parce qu'elle est, certes, ils ont gagné, mais quand on gagne face au Central Fédéral de 4 points, on ne peut pas se dire qu'on peut prendre ce match comme référence. Écoute, Fred, le SAP a gagné ce week-end. Et ils ont enfin regagné, puisque ça faisait 3 matchs qu'ils perdaient d'affilée. Après, pas d'enflammade, ils ont gagné de 4 points contre des cadets. Donc, oui, donc c'est pour ça que si donc, tu veux le prendre, c'est un peu le coup. Donc, on va se moquer d'eux ce soir, parce qu'on a envie de voir autre chose que ce que l'on voit en ce moment. Hein. Donc, voilà. J'ai pas changé un iota de ce que j'ai dit la semaine dernière, Fred. C'est-à-dire que le SAP est en danger, pour le moment, et compte tenu des résultats. Il y a un réel danger. La balance n'est pas positive. On jouait la qualif. On se retrouve 12e au classement. On a viré un entraîneur qui faisait le job, qui prouve qu'il est un grand entraîneur, puisque il entraîne en Pro B, il est troisième du championnat de Pro B avec un effectif qu'il n'a pas choisi. Et là, le SAP Avignon, Sorgue Avignon, pour le moment, ils sont toujours en souffrance. Et on se demande bien comment on va pouvoir inverser la tendance, parce que gagner de 4 points contre le Central Fédéral, alors pour ceux qui ne savent pas, le Centre Fédéral, ce sont les cadets de la Fédé qui sont engagés en National 1 pour exact, les aguerrir. Pour les pro-A, ouais. Gagner de 4 points contre une équipe de cadets et surtout s'en contenter, s'en féliciter, ben écoute, voilà, alors moi je suis prêt à entendre les explications de... du président et même de l'entraîneur. On ira leur demander lors du prochain match. On les invitera. Mais en tout cas, je pense que le cochon est dans le maïs. Aïe, aïe, aïe. Il a dit le mot ce soir et c'est vrai que quelque part, on peut se regarder en face les yeux et c'est vrai que on a des petits soucis. Je regarde un petit peu du côté de la pré-nationale féminine. Là, on sort carrément en Ligue de Provence pour les filles de la Barbière qui ne jouaient pas. Il y avait un match en retard, je crois, Marie, hein, dans cette poule. Un match en retard. Il y a eu juste Grance Smuc qui ont joué 60-68. Voilà, c'était un petit peu, on va dire, un recadrage au niveau des journées de championnat. Est-ce qu'on va se diriger directement vers Monique? C'est la première fois que ça arrive dans cette émission au niveau des résultats. Est-ce que Florian Bernardi, on l'a eu au téléphone? On a eu téléphone, Florian, oui, je l'ai eu au téléphone. D'accord, il faudrait peut-être juste avaler, déglutiner, ça sortirait beaucoup mieux. Et après, ça devrait sûrement passer, on est en direct. Je peux vous dire qu'on fait tout dans cette émission, on donne des résultats de sport, mais aussi on est engagé dans un partenariat au niveau culinaire. Et on est obligé de goûter des plats pendant que l'émission se passe. Il sera disponible quand tu vas demander pour 19h. Eh bien écoute, tout va bien, on continue. Top chrono, rugby à 13. Ah ben lui, il a carrément zappé la nuit des champions, c'est pas grave, on y reviendra plus tard, c'est parfait. Restons en rugby à 13 et voyons avec Jean-Yves la belle surprise du week-end, car elle était très belle. Et tout à l'heure, j'ai vu un des dirigeants en Trégouas sur autre chose, bien sûr. Jean-Yves va deviner, puisqu'il fait partie aussi de ma corporation. Eh bien, on a discuté de ce match et c'est la belle surprise du week-end. Malheureusement, pour le SOA, Jean-Yves, tu vas y revenir. Ce soir, on est un petit peu dans le doute pour Bissière. Je pense que c'est saison terminée. Ouais, le SOA a perdu la semaine dernière déjà. Hein, c'était pas ce week-end, c'était déjà la semaine dernière. Joris Bissière, le demi de mêlée et un petit peu le maître à jouer, le métronome de cette équipe, s'est fait les croisés. Donc je crois que c'est terminé là. Hein. Donc terminé. En tout cas, là, en général, les croisés c'est 3 mois. Le temps de revenir, le temps de ne jouer sans appréhension, effectivement, joue va avoir du mal à réintégrer l'équipe. Alors après, on est au mois de décembre, là, dans quelques jours, janvier, février, mars. Un joker amical devrait arriver, Jean-Yves. Est-ce que tu es au courant? Ouais, je suis au courant. Montpellier. Mais il n'y a pas encore, c'est pas fait, il n'y a pas de nom, il n'y a pas. On a une vague idée de qui ça peut être. Mais pour le moment, en tout cas, même si c'est un joker médical, c'est un joker médical. On ne remplace pas Joris Bissière dans cette équipe du SOA avec un joker médical aussi bon soit-il. Il y a un garçon qui est capé dans cette équipe et qui est leader. Joris, il a 21 ans, il a commencé à jouer en première quand il avait 16 ans. Et il joue tous les matchs depuis maintenant 5 ou 6 ans. Donc c'est un gamin qui a énormément d'expérience, c'est un gamin qui connaît le système de jeu de Renault Gig sur le bout des doigts, c'est un gamin qui est capable d'accélérer, de ralentir, c'est un gamin qui pue le rugby tout simplement, et ouais, c'est une lourde perte. Alors, la bonne nouvelle, Fred, c'est que les Australiens sont arrivés, c'est que l'absence de Joris, pour le moment, a été suppléée, puisque le SOA est allé s'imposer à l'extérieur ce week-end, à Toulouse sur le score de 40 à 12. Ça va être en tout cas c'est très ennuyeux. Ça met pas la saison du SO en péril, bien au contraire, parce qu'il y a probablement quelque chose qui va se passer, un supplément d'âme. Tu sais, quand tu perds l'un des tiens, même sur blessure, tu essaies de compenser et souvent ça se passe plutôt pas mal. Mais ouais, l'absence de Joris, c'est un coup dur pour Renault. Alors, pour nos auditeurs, juste avant que tu aies les résultats et qu'on revienne à cette Ligue 2, sachez que le week-end prochain, eh bien, on sera tous au repos. J'ai eu les dirigeants antrégois, ils jouent encore à l'extérieur le week-end prochain, et ils joueront le 4 décembre à domicile. Et là, on espère avoir deux directs. C'est un petit message à caractère personnel pour le directeur d'antenne. Voilà, ça c'est fait. Alors, on plaisante. Puisque tu parles d'Elite 2, on va y revenir, juste pour dire que grâce à sa victoire à l'extérieur ce week-end, ben, le SOA pointe à la 4e place du championnat. A repris la 4e place à Limoux, mais Limoux compte un match en moins. Donc, pour le moment, le SOA est dans les clous. Même si Limoux avait joué ses 7 matchs comme Avignon, il serait peut-être un petit peu devant. 5e, c'est la place du SOA cette année. Il ne faut pas d'enflammade. Ils sont juste derrière les 3 Audois et la réserve des Dragons catalans. Donc c'est bien, ils sont dans leur plan de marche. À noter, en Elite 2, tu l'as dit dans la présentation, la superbe victoire d'Entraigue à l'extérieur, qui est allée s'imposer chez sa bête noire un petit peu, Ferals. Ferals qui avait battu les Entraigois l'an dernier 4 fois sur 4 matchs et qui les avait privés de 2 titres en Coupe de France et en finale du championnat. Et bien voilà. Les Entraigois ont réussi à aller récupérer la défaite qu'ils avaient eue contre Villefranche la semaine dernière sur leur terrain. Ils sont allés gagner à l'extérieur, ça remet les compteurs à zéro. En tout cas, c'est une superbe performance. Eh bien, parfait. Peut-être les résultats de la soirée sur la Ligue 1, la Ligue 2. Est-ce que... Juste pour dire aussi que Carpentras s'est lourdement incliné à Bao, en territoire catalan. C'est pas très surprenant, hein. Bao caracole en tête de cette poule d'élite 2. C'est un gros effectif, Bao, et de temps en temps il récupère une paire de joueurs de l'élite ou même des anciens dragons. Et voilà, c'est sympa. Bao, c'est une place forte du rugby catalan. Alors, est-ce que tu as donné tous les résultats, Jean-Yves? Je reviens encore parce que tu analyses, mais il me semble que tu n'as même pas donné le score de Bao face à Carpentras. 36 à 14. Donc en élite 2, ben, Carpentras a donc été défait à Bao. Lyon-Villeurbanne s'est imposé face à Lescure 26 à 21. Entraigue est donc allé gagner à Ferals. Ville-Gaillenc-Montpellier, ça n'a pas été communiqué, je ne sais pas pour quelle raison. Et Villefranche d'Aveyron avait l'Imper ce week-end. En élite 1 maintenant, rapidement les résultats. Albi s'est imposé face à Villeneuve sur le score de 31 à 20. Carcassonne 13 Catalans, c'était le sommet du week-end. Les Audois de Carcassonne se sont imposés 28 à 20. Palo a été défait sur son terrain face à Lézignan. Les Toulousains ont subi la dure loi des Avignonnais sur le score de 40 à 12. Saint-Gaudens-Limoux non communiqué. J'en ai fini pour le rugby à 13. C'est parfait pour le rugby à 13, c'est fini. Alors c'est le rugby à 15. Top chrono, rugby à 15. Allez, on y rentre dans ce rugby à 15, juste avant un petit peu d'analyser ce qui s'est passé. Eh bien, on va laisser la charmante Marie venir nous dire les résultats de cette fédérale 2 poule 4. Alors, c'était la 7e journée du championnat. Nice-Voiron, 29-23. Bédarit-Château-Saint-Jean-Royan, 22-13. Montélimar-Tricastin, 12-12. Hier-Carquéran-Saint-Raphaël-Fréjus, 61-15. Bédarit se retrouve second. Hier, Carquéran est le premier sur 9. Château-Renard est troisième. Voilà Jean-Yves, on va juste analyser un petit peu cette journée de championnat avant de venir bien sûr sur le plan de consistance qui est l'ASBC face à Saint-Jean-Royan. Quand on regarde Nice, Voiron, on voit cette équipe de Voiron qui risque d'être le trouble fait de cette poule. Ouais, l'équipe de Voiron qu'on avait annoncé comme la victime désignée de tout le monde cette année. Et on pensait qu'ils allaient prendre 50 points devant tout le monde. Finalement, ils gagnent pas beaucoup de matchs, mais par contre, ils sont toujours là pour empêcher les leaders de prendre des points de bonus, d'empêcher de faire des bons coups. Et puis finalement, eh bien, écoute, on s'aperçoit qu'ils ont quand même joué 7 matchs, qu'ils en ont perdu que 5. Et ils ont pris des points de bonus offensifs et des points de bonus défensifs. Voiron, chez lequel nos amis de Bédarid se rendront la semaine prochaine. Voilà, ils auront une obligation, s'ils veulent rester dans le trio de tête, de gagner là-bas. Et c'est pour ça que je dis, ça sera peut-être compliqué pour la SBC, parce que cette équipe de Voiron nous surprend. Hein. Ouais, mais, voilà. Mais le problème, c'est qu'il faut absolument aller gagner à Voiron le week-end prochain, parce que hier, Carqueran a gagné à Voiron, Nice a gagné à Voiron. Château. Et Château est allé gagner à Voiron. Et finalement, des quatre postulants, pour le moment, seul Bédarid ne s'est pas imposé à Voiron. On peut considérer que pour ces quatre équipes, les quatre leaders, c'est une obligation finalement d'aller s'imposer à Voiron. Sinon, c'est des points qui vont te manquer à la fin. Et Trécastin qui trébuche chez son voisin, parce que c'était le derby. Montélimar recevait Trécastin, 12 partout. Et bien là aussi, c'est une surprise. Ouais, Montélimar là aussi, hein, qui n'a encore pas gagné un seul match depuis le début de la saison, a réussi à accrocher le voisin de Tricastin. Ça a dû être un match un petit peu épais et pas très sympa à suivre quand on voit le score. Ils se sont fait quelques politesses, tu veux dire. Ouais. Quatre pénalités d'un côté, quatre pénalités de l'autre. Hein. Les spectateurs ont dû s'ennuyer ferme. J'espère que. Ils ont pu se restaurer avec un peu de vin chaud et quelques birettes, parce que sinon ça a dû paraître très long. Et puis hier, Carqueran, là aussi, une derby contre Fréjus-Saint-Raphaël. Et là, c'est sans appel, 61-15. Ouais, quand le premier reçoit l'avant-dernier, ben ça fait du dégât. Ça fait 60 points. Alors, juste un petit aparté, quand on regarde le score de hier, Carqueran contre Fréjus, on s'aperçoit qu'eux, par contre, et on va peut-être y revenir tout à l'heure, ils sont capables de filer 60 points à des équipes moins bien classées. Peut-être que ça va faire l'objet d'une remarque de ta part. Mais j'arrive. Tu aimes la pub, hein ? J'aime la pub. Alors c'est Monique qui y va. Allez, on est revenu bien sûr dans le rugby à 15. Vous êtes bien dans le Top Chrono Week-end. C'est 1h30 de sport. On a commencé bien sûr à élaborer plusieurs résultats, mais restons dans cette fédérale 2. Venons au match au sommet dans cette poule 4 du rugby à 15. C'est Bédarid qui recevait c'est Jean-Royan. Victoire 22-13. Mais tout n'a pas été parfait. J'arrive juste avant d'écouter, on va dire, les artistes et artisans de cette belle victoire. Ouais, ben contrairement, Fred, à ce qu'on avait l'habitude de voir au Verdeau, les Bédaridés ont mis énormément de temps à rentrer dans le match. Puisque pendant 30 minutes, ils se sont fait un peu bousculer par l'équipe de Saint-Jean-Royan. Et puis petit à petit, les Bédaridés sont rentrés dans le match, ont marqué de beaux essais, ont fait le boulot. Et puis finalement, c'est une victoire qui souffre pas de contestation. Le seul bémol là-dedans, en fait, c'est le point de bonus qui n'a pas été pris par les Bédaridés. C'est pour ça que juste avant la pub, je te disais que hier, Carquet, quand ils avaient l'occasion, ils étaient capables de filer 60 points. C'est la petite différence entre hier, Carquet et Béda. C'est que les Bédaridés n'ont pas réussi à mettre ce point de bonus qui aurait fait du bien à tout le monde. Eh bien écoute, on va surtout écouter les sons que tu nous as ramené Guillaume Marquis, le capitaine de l'équipe. Ça dure une petite minute, mais lui aussi est explicite sur cette belle victoire qui a été un petit peu longue à être construite. Guillaume Marquis, le capitaine de cette équipe de la SBC après la victoire contre Saint-Jean. Guillaume, tes premières impressions? Bon, écoute, avec la défaite de la semaine dernière, on voulait remobiliser le groupe. On a eu du mal à se lancer, on a eu vraiment 25 premières minutes compliquées. Après, on est arrivé à reprendre le dessus, on marque, voilà, on arrive à marquer sur ballon porté aussi, enfin. Le seul bémol, c'est ce petit point de bonus là, qu'on perd à la fin. Sinon, bon match dans l'ensemble. Ces 25 premières minutes là, tu les mets un peu sur le compte de la défaite de la semaine dernière. Vous avez eu un petit peu la pression en entrant ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup vous faites un peu le match à l'envers de d'habitude, où d'habitude vous attaquez très fort. Et puis là vous attaquez vraiment doucement et vous prenez le truc après. Je pense qu'on n'était pas trop prêts, on a fait une semaine un peu compliquée d'entraînement. Voilà, après ça reflète vraiment, ouais, pour moi ça reflète la semaine d'entraînement, ça a mis du temps à se lancer, ça a mis du temps à venir. Mais bon, après c'est une confiance d'équipe, on sait que l'équipe tourne, on sait que dès qu'on a nos repères ça marche. Donc voilà, bah, écoute, d'habitude on est pris au coup d'envoi, là on a été pris 25 minutes après. Heureusement il n'y a pas de préjudice. Un petit mot, on a toujours l'impression que vous avez du mal à tuer les matchs. Et c'est encore le cas aujourd'hui où vous menez rapidement en début de seconde demi-temps. Et puis comme si sans le faire exprès, vous vous contentez un petit peu de ce résultat. Vous n'arrivez pas à appuyer et aujourd'hui, ça vous aurait peut-être apporté le point de bonus. Oui, c'est vrai qu'on souffre un peu de ça. Et, écoute, on essaie de le travailler, on est qu'au mois de novembre. Donc c'est vrai que c'est la fin des matchs aller. Si on s'en sort avec une défaite, ce sera excellent. On va encore avoir un, donc il peut y avoir deux défaites. Pour moi, le bilan est bon. Voilà, il faut rester dans les deux premiers. Tuer les matchs, ben, si on peut les tuer en phase finale, ce sera super. Et c'est là où il faut faire le boulot. Hein. Là, on est là pour finir dans les deux premières places, pour s'éviter un tour et faire les meilleures phases finales possibles. Allez, je vous propose d'écouter Bébé Mesdour, parce qu'on va écouter en condensé tous les sons qu'on a pris. Après, on reviendra deux minutes sur ce qui s'est dit. Bébé Mesdour, on le présente plus. C'est bien sûr le joueur international marocain qui joue à l'ASBC. Avec Bébé Mesdour, le papa, l'ancêtre de ce groupe de la SBC. Bébé, tes impressions? Je félicite le groupe. Déjà, la première chose, c'est qu'on était parti pour prendre 4 points. Le contrat est rempli. Maintenant, on est tombé face à une équipe qui a envoyé du lourd les 15 premières minutes. Et on a réussi avec le temps à passer devant et rester devant eux. C'est le plus important. Ta rentrée, on te voit un peu... chamailler un peu là, un peu dans ton rôle favori de casse-pied. Bon, on essaie de faire le job, hein. Après j'ai un registre qui est un peu spécial en tant que joueur de rugby et j'essaie de le faire au mieux pour le bien de l'équipe et leur apporter un peu mon expérience dans ce domaine. Voilà, on revient un petit peu avec Bébé Mesdour. Je vous propose d'écouter maintenant Mathias Damignani qui jouait un rôle qui n'est pas le sien puisque d'habitude il est demi de mêlée. Aujourd'hui il est à l'aile, je vous propose d'écouter Mathias Damignani. Avec Mathias Damignani, l'ailier de cette équipe de la SBC. Mathias, tes impressions sur ce match? Écoute, entame compliquée, beaucoup de pression, peur de bien faire, donc difficile à mettre en place ce jeu. À partir de la 25e, on est arrivé en dame, donc là tout s'est débridé et content. Content d'être invaincu à Béda pour l'instant. Mais il faut continuer à travailler parce que là on pète quand même. Pour moi le point noir c'est on pète le bonus à la fin alors qu'on mérite amplement de repartir avec un point de plus. Justement, on a l'impression que vous avez toujours ce problème pour vraiment tuer les matchs. Quand vous êtes devant, comme aujourd'hui par exemple, et on ne sent pas que vous avez les moyens de. Ou en tout cas que vous vous donnez les moyens de tuer les matchs et vraiment de filer 40 points à tout le monde alors que vous en avez largement les moyens. Ouais, quand l'adversaire est au sol, c'est vrai qu'au lieu d'y rentrer un peu plus dedans, on lui tend, on va dire, la main. Et ça, c'est un vilain défaut qu'on a depuis le début, c'est d'enfoncer les mecs. Et pourtant, ouais, comme tu dis, on a les capacités, hein, on a les capacités à les enfoncer. Et c'est vrai qu'on les remet un peu dans le jeu, tu le vois à la dernière minute, ils relancent, on n'arrive pas à les pesquer, les poinçonner, alors qu'on peut les pesquer et peut-être même reprendre le bonus. C'est vrai que sur la fin, on a du mal à enfoncer les mecs. Après, content, je ne sais pas si tu l'as remarqué, Jean-Yves, content que le début de seconde mi-temps, on arrive à faire un très bon début de seconde mi-temps. C'était pas arrivé depuis le début. T'as dû voir ça. Ça, je suis bien qu'on a réglé la mire sur ça. Donc c'est très important. Maintenant, il faut enfoncer les mecs quand on peut. Le match de l'extérieur, on a l'impression que le match se déroule à l'envers par rapport à ce que vous faites d'habitude. Vous attaquez toujours très très fort vos matchs. Et puis après, il y a un flottement entre la 30e et la 50e. Et là, aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Flottement d'entrée et puis. Après, énorme coup de bourre entre la 30e et la 50e, et puis là à nouveau un coup de mou. Comme je t'ai dit, appréhension au début, ce qui n'était pas contre hier et les autres équipes. Là, beaucoup plus d'appréhension, moins d'agressivité, et puis comme je t'ai dit, on fait trop d'en avant au début, donc difficile à mettre en place notre jeu. On a changé un petit peu notre façon d'entamer les matchs et finalement on bonifie plutôt dans le milieu du match et c'est vrai qu'on reprend un peu nos travers à la fin de nos 10 dernières minutes là, on pète le bonus et ça fait, c'est dommage, voilà. Il faut qu'on travaille un petit peu plus sur le mental parce qu'au niveau physique, capacité, je pense qu'il n'y a pas de souci. Un dernier match sur ton repositionnement à l'aile, on voit que tu commences à prendre un petit peu plus de plaisir, que tu te sens un petit peu mieux à ce poste. Aujourd'hui, tu fais ce que nous, on a pensé être un gros match. Comment toi, tu le vis? Ben, je le vis mal, j'ai mal de partout là, donc ça veut dire que j'ai touché un peu les ballons. Non, je le vis très bien. Tant que je suis avec cette équipe, je suis très fier de participer à cette victoire avec les 22 copains. Donc n'importe quel poste, moi ça me dérange pas. Mais c'est vrai que comme tu dis, je suis plus à l'aise à l'aile et c'est bien pour les coachs, comme ça leur donne d'autres possibilités. Voilà, c'était Mathias Damiani. C'est vrai qu'on l'a laissé dans l'intégralité. Il y avait des choses à dire. Il les a bien expliquées. Je crois que la SBC, c'est une nouvelle donne. C'est faire aussi des matchs quand ils sont menés au score. Je crois que Jean-Yves, on retiendra surtout de cette journée de championnat, cette façon de jouer qui était différente de ce qu'on a vu depuis le début de la saison pour la SBC. Écoute Fred, ce qu'il y a à retenir de ça, effectivement, c'est que la SBC est capable de s'adapter à une situation compliquée. On l'a vu hier, ils avaient l'habitude de mener rapidement et hier ils ont été menés et finalement ils n'ont pas paniqué. C'est nouveau ça, mais c'est nouveau cette année. C'est nouveau cette année dans le club. Alors on y reviendra bien sûr la semaine prochaine puisqu'on aura les joueurs de la SBC ici. On écartera un petit peu les studios puisqu'ils seront 5-6 à venir nous rendre visite avec bien sûr le président Damiani qui sera là avec nous. Ils nous parleront bien sûr de cette saison après la fin des matchs. Allez. Top chrono, boxe. Boxe, c'était la nuit des champions. On était tous, on va dire, à fond. Oui, Didier Bougon, peut-être on va rajouter quelque chose. Didier, la boxe, est-ce que ça a quelque chose à voir avec la course à pied? Oui, puisque avec Bruce Caudron, nous nous sommes connus à Font-Romeu. On s'est rencontrés en 2005. Non, mais ça, on n'est pas en train de nous discuter, on veut juste savoir. Comme j'ai un tempérament de gagnant, tu le sais, j'étais très déçu. J'ai regardé le match. Contre des Russes. Allez, voilà, messieurs, plus, si vous voulez, pour aller encore un petit peu plus vite, on va revenir sur cette soirée de boxe. Hein. Bien sûr, il y avait deux championnats du monde en jeu. Il y avait les ceintures WMK qui étaient mises en jeu. C'était des poids lourds. On va laisser tomber. On va plutôt se rapprocher du Boxing Club Mazané. Deux super champions, Knight et Edi Slimani, qui se dit un petit peu l'ogre de ce sport. Eh bien, en K1 dans les 66 kilos. Il a trouvé un Masaki Nyori, un japonais, qui lui a fait très très mal avec des coups portés au foie, avec son genou, qu'il n'a pu jamais éviter. Et au premier round déjà, il était compté. Et au troisième round, malheureusement, il n'a pas pu aller plus loin. Ouais, pour Edi Knight Slimani, ce combat qu'on pressentait compliqué, il l'a été vraiment. Eddie qui, sans vouloir lui faire offense, hein, bien au contraire, mais était sur une espèce de voie un peu royale là, en se disant je serai très rapidement champion du monde. Enfin, en tout cas, je suis prêt à y aller. Et ben probablement que ce japonais lui a rappelé que entre être très très bon et pour être champion du monde, il y avait encore un petit pas à faire. Et pour le moment, Eddie n'y était pas, malheureusement pour lui. Et il va rebondir parce qu'il est bien jeune, sûr. Il est talentueux, il a beaucoup de qualités. Carrément. Et on pense qu'il reviendra. Et puis, fin de soirée, pratiquement, il était 23h sur les antennes, bien sûr, de la télévision, télévisée, de l'équipe 21. C'était Bruce Caudron, on va dire l'icône, hein, 8 fois champion du monde, 89 combats, 5 défaites, 6 défaites, puisque c'est la 6e fois qu'il était défait. Il a mis 29 KO dans sa carrière. Eh bien, Bruce Caudron se devait de rebondir, puisqu'il était, il avait disparu pratiquement un an des tablettes. Il avait réapparu dans la ceinture du World GBC Tour qui s'est déroulé du côté de Mazan. Eh bien, dans cette nuit des champions, il a trouvé en face de lui Chinzi Alazov, ce Biélorusse qui était dit comme l'un des ténors de cette catégorie, hein, puisque lui, par contre, il a 39 combats, il en a gagné 29 avant la limite. Je peux vous assurer que voilà, on savait sur quel on va dire combattant il allait tomber, Bruce Caudron, bien, et Bruce Caudron a donné tout ce qu'il pouvait. Mais on est triste parce que le palmarès éloquent d'un boxeur qui aura marqué l'histoire de cette discipline, messieurs. Fred, mon avis, moi, et ce n'est que mon avis, c'est que peut-être que ce combat contre ce Biélorusse arrive un tout petit peu trop tôt. Je crois. Pour Bruce. Manifestement, quelques mois et une paire de combats supplémentaires pour Bruce, pour bien qu'il se remette dans le truc, ça lui aurait été plus profitable. Là, il a été vraiment chopé par ce Biélorusse, là, un mort de faim. une machine à filer en plâtre, tout simplement. Ouais, parce que lui, il est prêt. C'est vrai que Bruce, il a eu qu'un combat. Il est revenu. Mais le garçon connaît l'histoire, connaît comment on se prépare dans un rendez-vous comme ça. Il sentait que peut-être c'était limite, mais il a pris parce qu'il adore les challenges. Et c'est c'est vrai. C'est tout à l'honneur de Bruce, parce que quand on en a parlé avec lui la dernière fois qu'on s'est vus tous les trois à Avignon, il nous a dit que ça allait être très compliqué, qu'il était inquiet, qu'il serait prêt, mais qu'il était très inquiet parce que ce mec-là était une espèce de brute épaisse. Et ben les craintes de Bruce étaient tout à fait fondées. Encore une fois, ça arrive peut-être un tout petit peu tôt dans son processus de retour. Allez, on prendra bien sûr rendez-vous avec ce gym boxing Mazané et surtout un David Blanc dont ce soir on lui passe le bonjour et on espère l'avoir dans nos studios pour parler un petit peu de tout ça et bien sûr de l'avenir de ces boxeurs, parce que ce club est énorme. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus de boxeurs encore que ceux qu'on vient d'énumérer. À suite. Top chrono, rugby à 15. Allez, on revient un petit peu au rugby à 15. C'était bien sûr la Fédération française de rugby. Et puisqu'il va y avoir les élections, il va y avoir un nouveau président. Trois prétendants à cette élection du championnat de France, la Fédération française de rugby. Tandis que Didier Bougon, il est perdu dans ses papiers. On y reviendra tout à l'heure. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Bibi Bougon. Albert, bien sûr, Camus est le président de cette Fédération française de rugby. Doucet, année, on va dire, lui aussi est candidat à la présidence de cette fédération. Et surtout, on avait un Bernard Laporte qu'on ne présente plus, puisqu'il était entraîneur de cette équipe de France, entraîneur de ce RC Toulon qui a glané, on va dire, ce titre de champion d'Europe trois fois. Eh bien, Bernard Laporte qu'on aime entendre. Eh bien, juste avant d'y revenir, on va écouter le président, l'ancien président du comité de province, Patrick Buisson, qui s'est mis derrière Bernard Laporte. Eh bien, Didier, tout à l'heure, ça va mal se passer entre nous. Tu vas voir tout à l'heure. Parce que si je te coupe les micros, je t'en file une. Allons-y. Allez, deux minutes avec Patrick Buisson, ancien président du comité de province. Aujourd'hui, avec Bernard Laporte pour cette liste, pour briguer, on va dire, la présidence de la Fédération française de rugby. Je crois que le projet est beau et on a envie qu'il aboutisse, quoi. Ben, c'est évident qu'on a envie qu'il aboutisse. Pourquoi ? Parce que Bernard Laporte parle de rugby, ne parle que de rugby. Et surtout, il a une très très forte envie de rendre au club ce qu'ils attendent. Et puis surtout, son discours, en fait, n'est que pour le rugby amateur. Et je pense que tous les clubs de rugby ne peuvent que l'entendre. Effectivement, on espère gagner pour justement redonner un petit peu de plaisir à tous les dirigeants qui aujourd'hui vivent plus d'obligations, de contraintes que de plaisir. Le président Camus cherche toujours à brouiller un petit peu les cartes, mais je crois que vous êtes sur la bonne voie, il me semble, ce soir. Ben, le président Camus fait son travail, hein. Il est candidat comme Bernard Laporte et Alain Doucet. Par contre, ce qui nous fait sourire, c'est que pendant deux mois, le président Camus a été élu pendant deux mandats sans présenter aucun programme. Et pour la première fois de sa vie, pour cette élection, il propose un programme. Et déjà ça, pour nous, c'est déjà très intéressant. Mais on a eu le malheur de sortir notre programme au mois de mars, les premiers. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup, beaucoup de candidats s'inspirent du programme que nous avons écrit. Alors, ça n'a pas d'autre long, partir de Alès dans le Gard, il me semble, pour aller directement à Paris. Non, ça ne sera pas trop long. Bon, c'est vrai que je suis déjà élu au comité directeur de la fédération. Ça fait 8 ans. Mais moi, en fait, ce n'est pas le problème d'être élu ou de ne pas être élu. C'est de m'inscrire dans un projet novateur pour le rugby français. Et puis surtout, repositionner l'équipe de France au rang qu'elle mérite. Parce qu'aujourd'hui, mis à part le très beau match que l'on a vu samedi, on est quand même la 8e ou la 9e nation mondiale. Et on estime que ce n'est pas notre rang. Et avec le travail qu'on veut faire au niveau de la formation, redonner du plaisir aux jeunes et surtout les former d'une très belle manière, c'est refaire une belle équipe de France. Voilà, c'était Patrick Buisson qui est très heureux sur ce projet de Bernard Laporte, qui va porter beaucoup. C'est vrai que Jean-Yves, deux minutes juste avant de voir le président Philippe Damignani et Bernard Laporte, qui va être un petit peu long son sujet. Revenons sur cette élection. C'est vrai, Bernard Laporte est en train un petit peu de bousculer la hiérarchie, parce qu'on n'avait pas eu une discussion comme ça pour une élection à la Fédération française de rugby depuis très très longtemps. Ce qui est certain, c'est que Bernard Laporte vient du terrain, et donc il connaît les problèmes, il connaît la situation, il dresse un état Et il est élu d'aucun sujet, Fred. Le seul truc, c'est que, quoi qu'il arrive, on sera obligé de tenir compte de la candidature de Bernard Laporte, parce que il remue un peu... les anciens disaient « paste merde », entre guillemets. Il remue un peu tous les problèmes et il oblige les autres à y venir sur ces problèmes-là. Donc, quoi qu'il arrive... Il sera au centre de l'élection. Moi, je pense que son discours est très, très, très cohérent. Son projet est très cohérent. Je suis très fan, moi, à te dire la vérité. Allez, on écoute et on va savoir si le président de la SBC, qui est le club le plus huppé du département, puisqu'il joue en Fédéral 2, est d'accord avec toi. Le président de la SBC, Fédéral 2, le plus gros club amateur du Vaucluse. Bernard Laporte vient d'annoncer un petit peu sa candidature avec un programme très alléchant. On est satisfait du côté de la SBC. On écoute les trois présidents. On garde nos satisfactions pour nous. Mais oui, moi j'aime bien son discours. J'aime bien Bernard aussi parce que je le connais aussi. Je veux dire, ça c'est quand même quelque chose un peu de secret, donc je garderai mon appréciation pour moi. Quoi. Ouais, quand il parle d'enlever un petit peu tous les interdits, ça aussi ça peut faire du bien au rugby français, pour les clubs, pour essayer des fois de monter les équipes 3. Donc. Oui, bien sûr que ça peut faire, mais disons, il ne faut pas que ça devienne l'anarchie aussi, il faudra quand même qu'il y ait des garde-fous, parce que ça risque d'être ouvert à tout et à n'importe quoi. Donc après, pour la formation, tout ça me plaît, bien sûr. Fly FM. Dans une minute, le meilleur du monde revient. D'après le best-seller qui a fasciné le monde entier, La fille du train. Si j'ai bien compris, cette femme qui a disparu était sa nounou. Qu'a-t-elle vu? Je l'ai vue de la fenêtre du train. Ça n'a duré qu'un instant. Qu'a-t-elle cru voir? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit dans le tunnel? Dis-moi la vérité. Témoin, coupable ou victime? La fille du train avec Emily Blunt, actuellement au cinéma. Tout de suite, plongez au cœur de plus de 40 minutes de hit sans pub. I hate you, I love you, I hate that I love you. Ouais, on est parti carrément en musique, c'était sublime, mais... Ça, c'est parce que Gilles, souvent au stade, il a envie de passer de la musique et nous, on n'y laisse pas le choix parce qu'on commente des matchs. Voilà. Je crois que Gilles, depuis qu'il est avec c'est nous, il est devenu. C'est un petit peu le charme de cette émission, mais revenons plus sérieusement à cette élection de la Fédération française de rugby. Bernard Laporte, bah, écoutez, ça dure 2 minutes, mais c'est toujours un plaisir à l'écouter parler. Je vous propose d'écouter Bernard Laporte, l'un des candidats pour Bernard la présidence. Bernard Laporte à Châteauneuf-du-Pape pour promouvoir cette présidence. C'est vrai que je ne vais pas me cacher, mais on a besoin un petit peu de refaire les plâtre en cette fédération et de trouver du sang neuf. On a besoin de replacer les villages, les clubs au centre du village, c'est une certitude. Aujourd'hui, on a une fédération qui flagelle, qui punit, qui oblige, qui rackette les clubs. On a besoin d'une autre fédération qui accompagne les clubs. C'est aussi simple que ça. J'ai résumé à travers cette phrase et nous, on est pour accompagner les clubs, pour les aider à se développer, pour leur mettre des moyens et surtout qu'ils soient décisionnaires dans l'avenir du rugby français. Voilà, nous on veut les inscrire au comité directeur, on veut qu'ils soient représentés. On préfère des présidents de club, vous verrez la liste que nous allons faire, que des élus qui ne se sont jamais occupés de club et qui, parce qu'ils ont été des anciens joueurs internationaux, vont décider de l'avenir du rugby français alors qu'ils ne connaissent aucune problématique du rugby amateur. Est-ce qu'on a trouvé une vraie solution, je veux dire, à cette pérennisation de ce programme? Parce que c'est vrai que tout le monde a besoin d'identification dans le rugby. On sent les écoles de rugby qui étaient un petit peu perdues, des joueurs de rugby qui laissaient tomber, des jeunes qui s'intéressaient à d'autres sports plus compétitifs. Parce que c'est trop compliqué, on oblige sans arrêt, je le disais, on ne joue pas, les jeunes ne jouent pas assez, les écoles de rugby ne jouent pas assez. Voilà, il y a des choses qui font que... Tout a disparu, la compétition a disparu, le nombre de matchs ont disparu chez les gamins, etc. Donc il faut, voilà, remettre des moyens dans les écoles de rugby. Mais des moyens, c'est payer les frais de déplacement, c'est pas plus. Pour organiser des matchs tous les week-ends, que les gamins jouent. S'ils jouent pas, ils vont vers d'autres sports, c'est une évidence. Vous serez content d'être le président de cette fédération? Très content. Oui, vous pensez. Et il serait très content d'être président de cette fédération française de rugby. Je crois qu'on en a terminé avec le rugby. Top chrono, football. Enfin, monsieur Henri. Mon cher Henri, comment tu vas ce soir? Je vais bonsoir, bien. Parce qu'on ne s'est pas vu encore. Hein. Non. Tu as été plus discret que Didier Bougon. Ce soir, ça va être à la bougonnade, à la vraie. Ah, comme d'habitude. Je vais taquiner Didier. Mais il m'a mis un petit peu, il m'a fait sortir de mes gongs ce soir. Parce qu'on a beaucoup d'invités. Continuons, soyons très sérieux dans cette émission. Parce qu'on va revenir sur le football. Que s'est-il passé? Parce qu'il y avait vraiment une belle journée de championnat. Il y a eu des résultats qui ont dû te marquer, mon cher. Et après, on reviendra sur l'affaire, parce qu'on va y revenir. Didier a peut-être une info sur le club le plus capé de ce championnat. Du Comté. Ou exactement, qui reflète bien qu'en ce moment, il y a un vrai énorme malaise. Bah, déjà, on va démarrer avec le Comté, déjà concernant leurs résultats sur le terrain. Donc là, ils ont enchaîné un deuxième match consécutif, une deuxième victoire. Donc, ils sont allés gagner 1-0 sur le terrain de Pézenas ce week-end. Donc ça fait du bien au niveau mental, mais aussi au niveau comptable, parce que là actuellement ils ont 12 points et sont 11e du championnat, mais ils ne sont qu'à 2 points du 16e, donc c'est très serré. Didier, je crois que tu avais des infos, puisqu'on s'est vu un aparté sur le Ponté. Que se passe-t-il dans ce club? C'est vrai qu'on avait reçu il y a à peu près 2 ans, puisque Patrice était là, le président du Ponté, mais j'avais eu des infos déjà. J'admire, oui. Quand il a quitté Carpentras, il y a eu des problèmes au niveau trésorerie, et là apparemment les infos me sont remontées par des personnes qui sont sur le club et qui connaissent bien le club du Ponté, qui encadrent. Ça s'est pas trop ébruité, mais également c'est plus de si c'est vérifié, c'est plus de 100 000 euros qui sont détournés d'une certaine manière, malgré ces 3 avocats qu'il a autour de lui. Eh bien écoute, ça c'est de l'info par contre, hein. Ça veut dire que là aussi malheureusement... Et c'est pas la première fois, comme l'avait dit donc au départ, moi je me suis dit, bon, ce ne sont que des bruits qui courent, mais ça s'est confirmé, et apparemment, bon, après, il y a d'autres enjeux qui sont derrière, et... Voilà. Affaire à suivre, c'est bien Didier, on essaiera un petit peu d'être... on va gratter pour ce que je dis, 100 000 euros, c'est gentil ce que je dis. Hein. J'ai pas envie de dire vraiment la somme exacte, mais c'est... Ouais, c'est on parle plutôt de 200. Voilà. Aïe. Ça a dû parler de 200, mon On va ouvrir le coffre et ça va être c'est tout énorme. À l'heure. Non, Henri, combien? Non, je ne suis pas au courant de tout ça. Bon, allez, vas-y. Je ne veux pas me mouiller. Revenons un petit peu, place au carré vert, place au football avec toi et les résultats. Donc, on va attaquer sur la PHA. Ce week-end opposait Perne à Courthézon. Donc, Courthézon, normalement, est mieux placé que Perne au classement. Mais le match s'est soldé sur un résultat de 1-1. Concernant les deux équipes. Ensuite, on va enchaîner les autres résultats. Saint-Rémy bat US Avignon 1-0. Vedène Mayenne 0-0. Nyons Boulbon 1-0. Tarascon Carpentras 0-3 pour Carpentras. Île sur la Sorgue Nove 2-5. Ensuite, on passe sur les résultats de la PHB Poule A. Barbantane bat le Pontet 4-3. Rasto Entraigue 1-1. Molège, Étoile d'Aubune 1-1. Mossane Cavaillon 2-3. Saint-Jean-du-Grès, Jonquière 2-1. RC Provence Monteux 0-0. Il y a eu également ce week-end les matchs de Coupe de France féminine. Donc Bonnieux jouait contre Ramatuelle et perd à domicile 0-5. Les joueuses de Saint-Canet, Cana qui jouait contre Monteux, repartent avec une valise de 8 buts. 1-0. Ah oui, cette équipe de Monteux quand même féminine, qui est toujours compétitive, hein, même qu'elle a descendu. Ouais. Ça sera tout pour moi. Non, c'est vrai. Ce soir, oui. Ouais, pas d'analyse, rien. Non, on passera à autre chose. Et ce soir, non, allez, on passe à la suite. Top chrono, athlétisme. Alors Didier, est-ce que le Rochefort du Gard est toujours une place pour la course à pied? Parce qu'il y a une ambiance, il y a combien de participants? Je pense que tu as tout avec toi là. Hein. Bah on n'est pas loin encore des 1000 participants hein, à cette fameuse course de Rochefort du Gard, hein, puisque c'est la foulée des vignerons du Castellas. Cette course, c'est la bonne ambiance, c'est la fête, c'est les déguisements. Les chronos, c'est des chronos sur 10,5 km avec un parcours. Tu savais abandonné. Qu'il y avait des gens de Fly FM qui se sont fait distinguer au niveau de la dégustation du Côte-du-Rhône? Voilà, j'en apprends une. Ah ben voilà. Non mais c'est vrai qu'il y a une très belle ambiance. Hein. Alors on veut savoir nous. Alors dites-nous. C'est pas pour rien aussi que le coup de pied de la mule qui a lieu 3e semaine de décembre, la copie. Mais aussi dans une très belle ambiance. Bon, côté chrono, on va pas regarder les chronos puisque sur 10,5 km avec un parcours vallonné, le temps est de 36-46. C'est Nicolas Sels qui s'attribue la première place. C'est suivi par Aziz Bouchou qui est du CSMA en 37-09 Et la première féminine, Else Stalmans, a fait un bon chrono de 46 minutes. Bon, ben, je dirais ce qui est bizarre aussi au niveau de nos calendriers, puisqu'il n'y avait rien dans le département du Vaucluse. On était stop zéro, et par contre, la semaine prochaine, on a deux courses le dimanche. Alors c'est rigolo, ça, stop zéro, pourquoi ? Parce qu'on veut privilégier des... Il y a un week-end où il n'y a rien du tout, et la semaine prochaine, on a deux courses, une à Apt et une à Commence sur Dorance. Donc le calendrier, je pense qu'il y a des choses à revoir. Au moins, ça aurait donné la possibilité aux gens, soit de Apt ou de Comont, d'avoir une course rien que pour eux sur le week-end et d'avoir la semaine prochaine, au lieu d'avoir la semaine prochaine, deux courses dans le même jour. Hein. Alors cette course, revenons deux secondes, parce que Rochefort du Gard, c'est une place forte, hein, parce que 1000 participants, le côté déguisement, c'est convivial. Très convivial, hein. Alors, c'est quoi ça, on regarde. Je vais juste me retourner vers Monique, qui était déguisée, il paraît, et Marie. En Robinson Crusoe. Je plaisante. Marie, explique-nous un petit peu cette course, ou peut-être Marie ou Monique, vous étiez ensemble. Eh bien, nous avons été récompensés, figure-toi, puisque ouais. Nous avons été le club le plus nombreux à déguiser. Avec un beau déguisement, bien sûr. Nous alors étions, ce déguisement, c'était comment? Nous étions des sorciers. Sorcières et sorciers. Mais ça est bien que ce soir, il y avait des ambiances voodoo ici. Voilà, mais on faisait pas cette course pour le score. Là, c'était plutôt bon enfant, boire un petit coup. Les ravitaux étaient très intéressants et très copieux. Alors, sur 10 km, Monique, tu as fait 1,45 et je vois marqué 5 bouteilles vides. C'est quoi? Et 12 tartines. J'aimerais savoir, parce que 10 km, 1,45, c'est assez. On y va tranquille, là. Hein, ah ben là, c'est de la marche à reculons, là. Les ravitaux étaient sympas, il y avait de la saucisse, du primeur. C'était vraiment copieux, c'était super sympa. Ouais. Didier, tu t'es pas déplacé sur les lieux aussi? Non, sur l'aspect culinaire, je vois que ça reste dans la fusion là, hein, quand on parle culinaire. Didier, on va passer aux 10 km très bien pour cette manifestation. On y reviendra parce qu'on va voir un petit peu la même similaire du côté de Châteauneuf-du-Pape avec le coup de pied de la mule. Mais il y avait les 10 km de Marseille, de la Provence. Là, par contre, c'était pas pareil. On était sur un ton. Est-ce qu'il y avait des. On va dire en deux mots, est-ce qu'il y avait des clients, tiens? Ah oui, il y avait des clients. Je pense qu'au niveau de l'arrivée, les primes devaient être intéressantes puisque sur parcours, c'était un parcours où il y avait une majorité de Kenyans qui sont soit de Salon. Ou qui venait d'un club qui est connu, c'est l'Athlé Provence. Et le chrono est sympathique puisque Vanijuk de l'AC Salon s'impose en 29-24, suivi de Limo en 29-31 et de l'athlète de l'OM Ben Grima en 30-03. Et ce qu'il faut souligner, c'est surtout la grosse performance de l'Éthiopienne qui a pulvérisé le record de l'épreuve. En 32-16, et c'est une personne qui n'est âgée que de 21 ans. Donc la performance par elle-même sera-t-elle battue dans les prochaines éditions? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, faut avouer que le chrono, elle fait 13e au scratch. Et avec ce temps de 32-14, c'est une perf d'un niveau mondial. Donc, pour les féminines, donc chapeau. Ensuite, cette Éthiopienne est quand même suivie derrière par une Kenyenne, Suzanne Kipsang, en 33-12. Et la première Française, Shadia Boumadi, en 35-43. Quand on voit l'écart, il y a presque 4 minutes entre la troisième et la première. C'est malsain ce que je dis, messieurs, mais on est toujours un petit peu dans le doute quand on voit toujours des Kenyens, même s'ils ont d'énormes qualités potentiellement. Et on les voit toujours en première place. Ça, malheureusement, on a encore sous ce soupçon et on reste un petit peu... Disons que là, cette course des kilomètres de la Provence, à mon avis, rassemblé avec les courses jeunes aussi. Il y avait une course jeune, il y avait un 5 km. Au total, c'était pas loin de 2500 participants. Ce sont des Kenyans qui sont licenciés dans... Là, c'est Salon. D'accord, okay. Ensuite, l'athlète Provence, ce sont ceux qui sont dans le domaine engagés à Aubagne. Puisqu'il y a la base militaire qui est à Aubagne. Donc la base militaire d'Aubagne a créé une section qui s'appelle Athlé Provence. Et à ce niveau-là, ces athlètes maintenant peuvent avoir à fois la licence et en plus de la licence la nationalité française. Didier, est-ce qu'on aura d'autres courses qui vont venir dans le week-end prochain? Tout à fait, oui. Donc j'en ai parlé, il y a la course donc de Apt qui va avoir lieu, la course de la lumière, mais la plus, disons, je vais être un peu méchant, j'allais dire la plus cotée et la plus connue, hein, c'est celle de Comment-sur-Durance, avec qui propose un 12 km et un 6 km, c'est la foulée commentoise, qui est une incontournable, disons, du circuit vauclusien en fin novembre. Très bien pour l'athlétisme. Top chrono, sport mécanique. Allez, sport mécanique, on va appeler Florian Bernardi, bien sûr, le rallye du Var se prépare, c'est la dernière épreuve du championnat de France asphalte qui va se dérouler du côté de Saint-Maxime, Saint-Tropez, si vous ne savez pas où vous vous situez, je pense que là tout le monde le connaît, il n'y a pas de problème. Eh bien, on est parti pour 3 jours de rallye, à savoir que les reconnaissances de ce rallye vont être autorisées mercredi, jeudi et vendredi, samedi, vendredi, les premières spéciales, pardon, jeudi, mercredi, jeudi et vendredi, les premières spéciales, samedi, et nous avons avec nous Florian Bernardi, salut Flo. Salut. Tout alors, salut Fred. Ouais, mais merci de nous avoir donné cette info. On est très très content pour toi de voir que tu vas pouvoir participer à cette dernière épreuve du championnat de France asphalte. C'est le fameux rallye du Var, hein, dont on va dire que tu as fait souvent de très bons résultats. Et cette fois-ci, tu retrouves une auto que tu avais déjà au rallye de Sarian et que tu as pu un petit peu maîtriser, prendre, on va dire, les premières notes dans un vrai rallye. Et bien là, tu vas pouvoir peut-être transformer l'essai qui a été presque marqué lors du rallye de Sarian, parce que même que c'était un rallye régional, il y avait un très très gros plateau. Oui, ben, comme tu l'as dit, je découvrais la voiture à Sarian. C'était déjà une super opportunité d'être à Sarian avec une voiture comme ça. Et en fait, ben, vu que ben, le rallye s'est plutôt bien passé, on a fait, on va dire, une bonne découverte de l'auto, même si au niveau du résultat, on finit pas sur le podium, mais juste au pied du podium. La concurrence était là, donc est-ce qu'il vaut mieux faire un rallye avec de la concurrence ou sans personne? Je pense que je préfère aller faire un rallye avec de la concurrence pour voir vraiment la marge de progression que je peux avoir. Et en fait, bah, suite à ça, ça c'est on va dire la dynamique du Sarian a entraîné le rallye du Var. On a des gens qui se sont motivés pour qu'on s'aligne sur le rallye du Var, avec par exemple le team Chazel qui a fait beaucoup pour qu'on soit au rallye du Var, et pas mal de sponsors privés qui se sont regroupés, qui voulaient absolument qu'on soit au rallye du Var, et il y a un super plateau au rallye du Var, donc on va dire dans la catégorie R5, on est 21 et on va dire que c'est un niveau international. Ah oui, oui. Brian Bouffier, lui, il est sur WRC ou il est sur R5 maintenant? Non, il n'y a pas Brian Bouffier, mais il y aura Kevin Abring, par exemple, qui vient avec l'usine Hyundai, enfin le constructeur Hyundai. D'accord. Qui est engagé par l'usine en R5. Il y a plusieurs pilotes comme Johan Bonato qui font le WRC2, il y a Quentin Giordano aussi. Enfin voilà, il y aura énormément de beau monde, beaucoup de pilotes expérimentés. Il y a très peu de. Enfin, je crois qu'on est 2 ou 3 à découvrir, on va dire, parce que bon, ça sera quand même une découverte, la voiture sur un rallye du Var. Les autres ont l'habitude de rouler avec des 4 roues motrices. Donc voilà, ça va être une très bonne chose. Je découvrirai les pneumatiques des Max. C'est la première fois que je roulerai avec ces pneumatiques. Ouais, surtout que ça va être la problématique, c'est le temps, hein, parce qu'on annonce de la pluie. On connaît l'arrière-pays varois, hein, avec ces spéciales très, on va dire, au milieu virage, presque, on se croirait en Corse pour certains. Ouais, ouais. Oui, mais en plus, comme tu dis, la météo, ça va jouer vachement. Là, on suit de jour en jour l'évolution, parce que ben, là, c'est assez catastrophique en début de saison, début d'année, de semaine. Apparemment, ça devrait aller à l'amélioration dans le week-end, mais c'est vrai que ça va être une météo changeante, donc ça veut dire des choix de pneumatiques qui seront très importants. Et c'est là où il faudra que l'équipe et, on va dire, tous nos gens qui nous entourent, qui vont être un peu situés partout sur le parcours, ben, pour avoir un maximum d'infos, pour pouvoir faire le bon choix au bon moment, parce que ben, en rallye, ça se gagne aussi par équipe, et les choix de pneus en rallye, c'est essentiel. Donc si on passe à la trappe sur un tour, on peut perdre gros. Donc nous, on n'a pas forcément on ne va pas jouer forcément la victoire ou le classement spécial en R5. On est là pour prendre l'expérience et que ça nous serve pour le futur. Et surtout se faire plaisir, parce que ben, pouvoir s'aligner à côté de gens comme Gilles Panizzi qui sera en R5, voilà, c'est des idoles. c'est des idoles du rallye français et mondiaux. Donc, exact. Donc voilà, moi ça, c'est des gens que je regardais avec des grands yeux à demander des autographes, et là je vais être dans la même catégorie qu'eux. Donc ben, voilà, déjà ça c'est super. Ouais, je pense que tu vas bien te régaler, surtout que tu as une voiture, ok, excuse-moi de prendre cette expression, qui est joueuse sur les terrains comme ça, 4 roues motrices. On a vu un petit peu une démonstration à Sarrières, même c'est pas ici les routes, tu les connaissais par cœur, mais on a vu que, comme on dit, tu faisais un petit peu de la glisse avec, tu savais qu'il y avait 4 roues motrices, et que quelque part, le décrochage était fait pour reprendre assez vite le contrôle de la voiture. Hein. Tu le faisais un petit peu esprit. Oui, il y a un potentiel énorme. C'est des voitures qui sont conçues pour la compétition, on va dire de A à Z. Donc il y a un potentiel, enfin c'est incroyable ce qu'on peut faire avec une auto comme ça. Maintenant il va falloir arriver à la régler comme on le souhaite, parce que ben, là vu qu'on repart un petit peu à zéro avec les pneumatiques, parce que c'est une autre marque, donc il y a tout le réglage du châssis qui va avec. On a apparemment une évolution moteur aussi qu'on va découvrir pendant le rallye, donc avec 20 chevaux de plus. Enfin voilà, il y a quelques des nouvelles suspensions. Enfin voilà, il y a quelques évolutions depuis le rallye de Sarrières qui ont été faites sur la voiture pour continuellement la faire évoluer. Et voilà. Oui Flo, ton départ pour le Var demain, moi ça, non, mais je suis allé reconnaître ce week-end. Ah d'accord. Ouais, parce que j'ai vu qu'on autorisait à partir de mercredi les reconnaissances jusqu'à vendredi, je crois, ou jusqu'à jeudi soir. Jeudi, en fait, c'est voilà, le programme, c'est mercredi, jeudi, ce qu'on appelle la deuxième session de reconnaissance, c'est ou le week-end, ou le mercredi, ou le jeudi. On avait deux choix pour les gens qui travaillent la semaine ou qui sont proches du rallye. Et ensuite, jeudi, la séance d'essai officielle du rallye. Donc moi, je participerai pas parce que je ferai une séance d'essai privée avant. Donc je participerai pas à la séance d'essai du rallye, et ensuite le rallye commencera le vendredi après-midi par 3 spéciales, et ensuite il y aura, si je dis pas de bêtises, 7 spéciales le lendemain, le samedi, toute la journée, et 3 spéciales le dimanche matin. Donc voilà, ça sera au total 13 spéciales. Merci Flo, on sera très attentif. Le seul absent de ce rallye, c'est moi, puisque bon, j'en veux pas me dépotouiller pour venir, mais je vais suivre ça de très très près. On y reviendra lundi prochain sur tes résultats, ouais, et en espérant qu'ils seront très flatteurs en ta faveur. Voilà. Merci. Allez, bon rallye de Sarrières, bon rallye du Var, Florian, et bonjour à toute la famille. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est Horizon avec Marie, le rendez-vous du week-end. Eh bien, Marie, tu nous as concocté des sorties comme tu as, toi, seul le secret. Alors, moi, c'est mercredi, ce mercredi 23 novembre, où l'Élan Basketball de Pernes-les-Fontaines, de 16h à 17h30, vous invite à vivre une séance d'entraînement avec les pros du SAP Vaucluse Basket. Du coaching, des ateliers, des oppositions, des conseils de joueurs pros. Venez, ce sera au complexe sportif Paul de Vivier à Pernes-les-Fontaines. Toujours à Pernes-les-Fontaines, ce sera vendredi 25 novembre à partir de 21h, où le Handball Club Pernois organise un tournoi de hand au profit du Téléthon au complexe sportif Paul de Vivier, toujours ouvert aux plus de 16 ans, licenciés ou non. Ce sera pour 5 euros par personne, mais ce sera au profit du Téléthon. Samedi 26 novembre à Malemort-du-Comte, en association avec le Club de l'Amitié et le Comité départemental de la randonnée pédestre, toujours au profit du Téléthon, est organisé 2 randos. Une rando initiation à la marche nordique de 5 km et une rando pédestre de 12 km. Un départ de la salle des fêtes de Malemort à 10h. Cette journée se terminera, pour ceux que ça intéresse, par une soirée pique-nique canadien et animée par un DJ. Vous pouvez également aller à la soirée même si vous n'avez pas marché. Je continue, ce sera dimanche prochain, le 27 novembre, de 8h30 à 17h30, ce sera plutôt du vélo, avec la deuxième manche des Coupes de Provence 2016-2017 sur la piste de BMX de Pernes. L'entrée est gratuite. Et puis j'en reviens au dimanche 27 novembre, de ce que vous a dit tout à l'heure Didier Bougon, ce sera la troisième édition de la course des Lumières à Apt, avec un 12 km de proposé, un départ à 10h et enfin la 23e foulée Comontoise, course pédestre nature sur route et chemin, avec un 6 km et un 12 km, course comptant pour le Super Challenge Vauclusien. Eh bien, Marie, tu es, comme on dit toujours, excellente dans ton rendez-vous du week-end. C'est lequel que tu nous proposes qui te paraît le mieux? Ah ben, adapté. Bien sûr, pour une bonne action, tout ce qui est au profit du Téléthon, bien sûr. Oui, Fred, depuis quelques temps avec. Oui, mais parce que peut-être qu'on arrive justement pour Noël, donc il y a moins de rando gourmande. Ça. Les gens, ils font la diète avant Noël. Voilà. Bonsoir. Merci Marie. Allez, ce soir, c'est Focus. On reçoit le Judo Club Entraigois avec Philippe Roux, cet entraîneur qui est aussi capé puisqu'il s'occupe dans les matchs internationaux de Marie Orsoni. Juste ce nom qui parle bien sûr dans le monde du judo. On va revenir bien sûr sur les JO avec un Teddy Riner qui nous a ébloui. Épanoui, il nous a tout mis, il nous a mis les frissons parce que ce garçon, il a dit je vais gagner, il est monté, il a gagné. Et après, il a dit on va faire la bringue. Ça, c'est quelque chose d'original dans le judo. Bonsoir, premièrement, Philippe. Philippe Roux, bonsoir. Bonsoir. Avec nous, bien sûr, une petite championne, hein, à la personne derrière qui est Priscilla. Priscilla, et puis Courachan. J'ai oublié le prénom déjà. C'est Julie ? Ah, c'est Julie. Oh, ouais, Julie, bon. Julie la coquine. Julie la coquine. Oui, oui, oui, tout à fait. On va revenir avec ces jeunes judokas parce que, en revenant plus sérieusement, Philippe, ce club qui monte, on le dit toujours, mais c'est bien vrai puisque bien souvent tu m'envoies les résultats. Aujourd'hui, comment on se porte avant de venir un petit peu sur ces JO qui a été une belle vitrine pour le judo français ? Comment le club se portait au niveau des licenciés ? On en est à combien ? Un peu plus de 200 licenciés en ce moment. Bon, là, on continue les inscriptions, mais bon, ça tourne bien. Hein. Merci les jeux, on va dire. Merci Teddy Riner, Émilie, Andéol. Ah ouais, tu peux tous les énumérer parce que je crois que moi, je les ai tous vus. Les combats, j'ai été partie prenante. Pas congolaise, comment elle s'appelle ? Elle est réunionnaise, c'est ouais. Ça ? Ouais. Ah, elle nous a épaté quoi. Ah bah, surtout, elle sort la championne du monde, la championne olympique. Elle a fait la totale. Hein. Oh, elle m'a. C'est le cas de elle le dire. Elle a surpris tout le monde. Hein. C'est exactement. Quoi, hein. Tout est possible hein, dans le judo, dans le sport en général. Hein. Ah ouais, tout est possible. Puis cette force. Force mentale impressionnante. Elle a été phénoménale. Parce que les prises en moment, on y revient un petit peu sur ces images qui nous ont émerveillés. Parce qu'on parle, on se l'imagine pas quand on prend. On appelle ça. Le kumikata, le kimono. Le kimono, et qu'on croise ses doigts, là, qu'il faut avoir cette énergie, cette force, parce qu'il faut aller au-delà de la douleur pour pouvoir gagner, parce que ça se joue à ça. Judo, voilà, ça se joue à ça, hein, la prise de garde, la saisie, comment tenir le kimono, et voilà, déplacer le partenaire. Hein. Exactement. Après, la technique dans le temps, c'est pas facile. Hein. Voilà, pour ces belles images, Teddy Riner. Fidèle à lui-même, je veux dire. Phénomène. Vraiment. En plus, avec toutes les blessures qu'il a eues cette année, il n'a pas trop fait de compète. Il arrive sur les jeux et il ne gagne pas facilement, mais tranquille quand même. Rassurons-nous, le judo français est à l'image de ce qu'on a vu avec un déplacement familial. Les familles qui sont là, qui vibrent pour les judokas. Dès qu'on gagne, on a cette fraternité. Est-ce que ça se passe pareil dans les petits clubs ? Ah, pareil, ouais. C'est même pire, on dirait. C'est, tout le monde suit, tout le monde joue le jeu, tout le monde nous suit partout. Non, franchement, les parents sont impliqués, il n'y a rien à dire. La Julie Conrachan aussi, ils sont un petit peu pareils, les parents. Ouais, ils sont bien. Non, tu peux y aller, tu peux te lâcher. On est en direct, hein. Vous inquiétez pas, ce soir. On peut mettre en valeur. Et Julie, bonsoir. Non, moi c'est Anaïs. Oh, je l'ai fait exprès. Il m'a dit Julie, c'est pour ça que j'ai fait ça. Anaïs, non, Anaïs. Dis-moi. Moi, on va te rassurer. Ben. Comment ça se passe cette année ? Ça va ? Tu as glané des ceintures, je crois que tu es monté un petit peu en catégorie, non ? Cette année. Oui. Nana. Hein ? Oui. Alors, tu es quoi ? Ceinture bleue. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a ? Marron. Ah, c'est plus compliqué. Alors, comment ça, on attribue ces ceintures ? Parce que c'est vrai que ces jeunes judokas, comme Anaïs... C'est sur le travail technique hein, qu'ils produisent. Et après, bon, le travail en compétition, voir si ça a bien progressé, s'ils arrivent bien à mettre en application le travail qu'on effectue lors des entraînements. Alors si Anaïs, je me suis régalé de l'appeler Julie ce soir, par contre, à côté, c'est... Priscilla. Priscilla. Priscilla qui reste un petit peu dans sa réserve. Peut-être, Philippe, présente-nous Priscilla. Parce qu'elle aussi, j'imagine que ça va être une explosion sur un tatami. Ouais, Priscilla, c'est une très ancienne judoka du club. Elle a commencé, elle avait 2 ans et demi le judo. Aujourd'hui, elle en a 17. Donc ça fait quelques années et donc elle avait eu des petits soucis de santé. Donc aujourd'hui elle est en handisport, elle est malvoyante, mais elle fait judo. Donc elle fait championnat de France junior cette année en valide, et elle a fait les championnats de France junior senior en malvoyante. Donc elle fait vice champion de France malvoyante. T'es malvoyante, est-ce que ça te donne envie? Parce que moi aussi je les ai regardés, les judokas français qui étaient handicapés et malvoyants. Et on a eu même une qui a été championne olympique. Ouais, est-ce que ça te donne envie? Ah oui, très envie. Toi aussi de partager ça? Oui. Et là par contre, tu t'es aperçu que le coach est très important, hein, parce qu'il y a un petit peu du coaching. Hein, Beaucoup. Pour, beaucoup plus. Ouais. Pour pouvoir les prises, pour bien que ça se passe. Quoi, hein. Surtout le déplacement. Et donc moi c'est la première année où vraiment je participais avec elle sur un championnat de France. Donc en plus elle était cadette, on l'a surclassée, on l'a fait combattre en junior senior. Et comme elles sont pas très très nombreuses, ils avaient fait toute catégorie, et elle perd en finale contre celle qui fait championne olympique au championnat de France. Et donc elle est en équipe de France, elle a fait une coupe d'Europe en Allemagne cette année où elle fait 3. Et donc en février, normalement, une Coupe d'Europe en Allemagne. Là, les France en mai. Et en juin, elle a une Coupe d'Europe en Angleterre. Quel palmarès. C'est un bel avenir. Est-ce que l'Allemagne t'a plu? Est-ce que ça fait... Qu'est-ce que ça fait de porter les couleurs de coq français sur son... Ça fait plaisir. Ça donne envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, tu es content un petit peu du travail que fait Philippe auprès de vous tous, quoi? Oui. Tes conseils sont très précieux? Oui, surtout qu'il est là depuis que je suis toute petite, donc... C'est quoi qui réconforte dans une grande compétition quand on a son entraîneur qui nous connaît, qui te connaît par cœur? Parce qu'il y a des mots qui s'échangent, ils sont peut-être pas très longs ces mots, mais ils apportent peut-être beaucoup au niveau de la compétition. Est-ce que toi, c'est ton réconfort d'avoir Philippe à côté de toi pour te recadrer quand des fois, bon, ça s'est pas bien passé au niveau de la tenue? Oui. C'est important? Ah, très important, hein. Et en plus bon, c'est vrai que depuis toute petite je la coach, hein. Et donc il y a un feeling qui se fait naturellement, hein. C'est, on va dire c'est presque ma fille, quoi, voilà. Parce que on va revenir avec Jean-Yves qui est là. Jean-Yves, on peut aussi voir à travers ça ce qu'on a connu à la boxe avec David Blanc quand il parle à ses boxeurs. C'est ce côté relationnel. On dit toujours que derrière les grands champions et les grandes victoires, il y a souvent un grand coach. Et il y a d'abord un grand champion, nul doute que Priscilla est une championne, mais de la même manière que Bruce et Eddie sont des grands champions, mais sans de grands coachs, sans un super environnement, ils n'existeraient pas. On n'arriverait pas à tirer la quintessence de ces gens-là, et probablement que c'est le boulot qu'a réussi à faire Philippe avec Priscilla. Il l'a vu grandir, il l'a vu évoluer, il la connaît par cœur, il sait sur quel levier appuyer, quelle ficelle tirer pendant le combat. Et voilà, en général, derrière chaque belle victoire, il y a une duo. On ne devient pas un grand champion sans un grand entraîneur. Voilà, mais c'est une belle radiographie que nous a fait Jean-Yves. Orsini, on en est où? Marie Orsini n'a pas pu faire les France Première Dive puisqu'elle s'est blessée sur un stage international en début de saison, donc avec distinction des ligaments croisés avec fissure au tibia, donc ça lui fait 3 mois d'arrêt. Donc elle va reprendre normalement en janvier sur un gros tournoi international senior qui justement est très important pour elle, puisque toi aussi tu es toujours à ses côtés, hein, c'est bien ça? Tout à fait, toujours avec elle, toujours soutenue par Droit au But. Toujours soutenu par l'OM, mais heureusement qu'on a l'OM judo. Écoute, parce que... Voilà, alors notre spécialiste du football, Henri, peut-être il peut prendre un micro. Là aussi, c'est quelque chose que peut-être tu ne connaissais pas, Henri, mais si tu veux, c'est un genre de marketing pour l'Olympique de Marseille, pour le football, d'aider les clubs, des petits clubs comme ça, à travers cette image. Le judo. En fait, on a monté une association OM judo, et donc qui est liée avec l'OM foot, hein, puisque c'est eux qui nous ont donné l'autorisation d'utiliser le logo. Sur les kimonos, on a donc le même logo que le football. D'accord. Et donc ils nous filent la main dans tout ce qui est financier, sponsoring, voilà. Et grâce à eux, on a créé un gros club. Par exemple, ce week-end-là qui arrive, il faut savoir qu'il y a trois Antrégoises et un Antrégois qui vont combattre pour l'OM Judo et sur les Championnats de France cadets et juniors. Didier pour l'athlétisme, c'est pas pareil aussi ? C'est vrai que côté athlétisme, l'OM aussi a son fief hein, là-bas. Et il y a un très gros boulot qui est fait. Et l'OM Athlétisme a été un gros club formateur. Et ils interviennent toujours dans tout ce qui est quartier pour détecter et faire de la formation. Henri, tu voulais rajouter quelque chose pour le football ? C'était juste une question en fait. Est-ce que ce sont une entité complètement à part ? Oui, tout à fait. On est une association loi 1901 qui s'appelle OM Judo. D'accord. Et donc on est à part. Hein. Mais par contre, on bosse indirectement avec eux, quoi. D'accord. Donc ils participent financièrement. Ouais. Ok. Les survêtes, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, les t-shirts, tout ça, c'est eux qui nous fournissent les polos, les survêtes, tout ce qui, les kimonos. Mm-hmm. Voilà. C'est très intéressant. Ouais. Ah, mais c'est surtout, c'est bien parce que ça permet de créer une dynamique au niveau régional. Parce que moi, rien qu'à Entraigues, c'est pas possible que je garde des athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, j'en ai deux qui sont en Pôle Espoir, trois en Pôle France, une à l'INSEP. Priscilla qui a une équipe de France en e-sport, ça coûte. Et moi, c'est une petite association loi 1901 dans un village où on a des toutes petites subventions qui ne permettent pas de garder des athlètes. Voilà, je crois que tu as une belle réponse. C'est vrai, c'est bien de voir une image comme l'Olympique de Marseille se permettre de véhiculer ce qu'ils font. Peut-être Jean-Yves ? Non. Moi, ma réflexion, c'est que on connaît ça dans plein d'autres pays. Ce sont des clubs omnisports. Il y a la vitrine, les équipes premières de ces clubs-là. Je pense au Barça, par exemple, où il y a plusieurs sports de très très haut niveau, basket, machin truc. Mais par contre, avant d'arriver à récupérer tous ces gamins-là, eh ben, ils ont un tas de ramifications. Et j'ignorais que moi aussi je découvre que l'OM est dans cette démarche-là. Mais c'est probablement eux qui ont raison. Et ce qui est étonnant, c'est que par exemple, ça ne se fasse pas avec d'autres clubs. Et surtout qu'ils ne communiquent pas plus là, sur ces trucs-là. C'est chouette quand un club comme Entraigues peut en bénéficier, par exemple. Voilà. Alors, Entraigues, c'est pas que la vitrine internationale, parce que grâce à Philippe, on navigue un petit peu à tous les étages. C'est aussi local. Parce que là, ça va te plaire. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur le côté local de ce club de judo, qui est un petit peu lié aussi avec le rugby à 13. Parce qu'ils sont Philippe est tellement quelqu'un qui a un cœur énorme que des fois il ouvre un petit peu sa salle et à la fois il fait travailler les 13istes. Est-ce que c'est pas vrai ça? Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. Il y a énormément de passerelles entre le rugby et le judo et souvent des bons rugbyman sont des mecs qui sont passés par le judo. Ça aide en défense. Serge par exemple. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y a énormément de passerelles. Par exemple, en défense, par exemple, le fait de travailler le judo peut te permettre de mettre l'impact au bon moment pour basculer ton adversaire, chose que tu n'apprends pas sur un terrain de rugby, quoi. C'est le petit truc qui... Il y a énormément de passerelles. J'étais au courant de la liaison dangereuse entre les judokas et les entraîneurs. Et puis j'avais entendu, et ça je le dis parce que je dis à l'antenne, c'est pas des fausses rumeurs, et malheureusement je ne peux pas mettre un nom sur une personne parce que je ne me souviens plus, mais je sais que le club de judo d'Entraigues est surveillé pour peut-être, pourquoi pas, et là je lance juste un appel comme ça, pour peut-être une évolution dans un autre local un petit peu plus étoffé, parce que il semblerait que les résultats et la pérennisation de ce judo Entraigues méritent peut-être une autre salle, même si déjà elle est pas mal, je veux dire. Ouais, on a déjà une bonne salle, hein, 350 mètres carrés, avec 200 mètres carrés de tapis, franchement, il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir, hein, quand même. qui aimeraient l'avoir. Anaïs Courachan, tiens, on va se tourner vers elle, parce que là aussi, elle arrive d'un horizon différent. Elle est venue chez toi, Philippe. Ouais. Elle venait de l'ASB judo, ouais, Bédarine. Ouais, c'est ça. Et puis elle s'est épanouie parce que c'est un judoka qu'on connaissait à un niveau. Et je trouve que depuis qu'elle est chez toi, elle prend de l'assurance. Aujourd'hui, elle nous a dit qu'elle était en ceinture bleue. La marron lui tend les bras. Quelle est la passerelle pour pouvoir acquérir ces ceintures? C'est des combats, Ouais, c'est un peu la compétition et le travail qu'elle fournit. Elle est super assidue, elle est à tous les cours. En plus, bon, elle est passée au cours adulte et elle fait comme les autres, quoi. Même, elle travaille avec les filles qui sont aujourd'hui à haut niveau. Et je veux dire, elle a rien à en vouloir aux autres, hein. Franchement, Ça fait plaisir. Anaïs, ça fait plaisir. Anaïs, en parlant un petit peu de ces deux clubs, est-ce que tu as un petit peu analysé aujourd'hui où tu étais, où tu es aujourd'hui et que t'as apporté Philippe? Si tu rêves un petit peu à nous dire tout ça. Bah. Mais on est à la maison, là, et tu peux y aller tranquille, souple. Fly FM, c'est cool. Personne ne t'entend. Non, personne ne t'écoute. Personne ne t'écoute en plus. Philippe m'a apporté beaucoup de plaisir au judo, à entrer. Et il t'a fait évoluer, il t'a fait prendre conscience que tu avais peut-être des qualités, dont peut-être étaient effacées quand tu étais dans un autre club. Oui. C'est quoi qui te plaît dans ce club? C'est la compétitivité, c'est la rencontre d'autres judokas, c'est d'évoluer. Il te laisse à la porte ouverte d'évoluer avec des personnes plus âgées que toi. Ça veut dire qu'ils ont plus de force. Et tout ce qu'on te fait, tu t'en sors, quoi. Vas-y, Anaïs. Oui, mais... Ah, mais surtout, je pense, c'est l'ambiance qu'il y a entre tous. C'est-à-dire que demain, elle va peut-être s'entraîner avec une qui a fait 3 en France. Et cette fille-là va justement faire comme si c'était sa super copine ou presque sa sœur, la conseiller, lui dire fais comme ça. Et je pense que c'est ça qui est de bien dans le club, c'est qu'on a tous pratiquement la même mentalité. C'est-à-dire qu'on est, c'est tous partis de la même famille. Hein. Et donc, écoutez, moi, je vous propose d'y aller, quoi. Parce qu'on a, on a un joli site, on vient de l'ouvrir à l'extérieur, oui. Peut-être qu'il y en a qui veulent parler, oui, non. Gilles, tu ne veux pas faire du judo? Des bonnes cités, tout compte fait, on va pas le faire. Hein. Bon. On plaisante, il est tellement super, Gilles, notre technicien. Revenons plus sérieusement. On a un site qui est très, très explicite pour le club. Hein. On y retrouve toutes les qualités. Aujourd'hui, combien d'heures, Philippe, tu passes dans ce club? Parce que je crois que tu as tous les âges pour les entraînements. En gros, 3-4 heures par jour. Hein. 3-4 heures par jour. Et puis tous mes week-ends. À part le week-end de Noël, on va dire, et puis 2-3 semaines en été, puisque bon, on fait judo toute l'année. C'est-à-dire que même pendant, là par exemple, il y avait le 11 novembre, eh ben, il y avait judo parce qu'il y a des compétitions importantes derrière. Tout l'été, il y a judo, le club est ouvert, hein, mais il est ouvert à partir des minimes jusqu'à cadet junior senior, puisque les compètes démarrent fin août. Voilà, j'en ai qui sont partis cet été en Coupe d'Europe, sur des championnats. On ne peut pas se permettre d'arrêter l'activité à des périodes où, bon, à Noël, on va s'entraîner peut-être 2-3 fois, parce que derrière, en janvier, ça redémarre à fond. Alors, comment ça s'organise un petit peu si moi, aujourd'hui, j'ai un petit gamin qui a 5 ans et il a envie de faire du judo? Comment, quel horaire? Et après, comment ça évolue pour lui? En fait, si c'est un débutant, c'est le lundi, jeudi, 17h30, 18h30. Et s'il a déjà fait du judo et qu'il a le même âge, ça sera le mardi, vendredi. C'est-à-dire qu'on propose des cours adaptés. On regroupe tous les débutants ensemble. Et ensuite, il y a un cours où il y a des gamins qui ont 1 ou 2 ans de judo, qui ont à peu près le même âge et qu'on regroupe ensemble. Et on les fait gravir les cours. Et après, pour quand on devient senior, moi j'appelle ça senior. Oui, ah ben c'est Monique. Elle a une relationnelle avec la pub, je peux vous assurer. On ne sera pas en faillite à Fly FM. C'est important la pub. Exact. C'est important, très important. Allez, on est revenu avec Philippe Roux. On parle bien sûr du judo club Entraigua. Philippe, aujourd'hui, toutes les plages horaires des entraînements, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça fonctionne? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont 25, 26 ans et qui ont envie peut-être de s'initier. Il n'y a pas d'âge au judo. On peut venir. Il n'y a pas d'âge. C'est donc nous, on démarre avec le baby judo le mercredi. C'est des gamins qui ont 3 ans et demi. Et il faut qu'ils aient 4 ans avant juin 2017. Et après, on a des cours qui sont proposés vraiment à toutes les tranches d'âge. Par exemple, un adulte débutant qui aujourd'hui veut venir, il peut venir lundi soir 17h30, 19h30, 21h. Et judo pour débutants. Et après, s'il se sent bien et que ça lui plaît, il peut intégrer le groupe technique compétition le mardi, le vendredi, pareil, 19h30, 21h. Et j'en ai pas mal qui justement sont passés par ce cours du lundi débutant, qui au bout de 6 mois sont venus au cours adulte et qui aujourd'hui sont ceinture marron ou ont été ceinture noire. Alors ce qui m'a plu, parce qu'une fois j'ai pu assister à la remise des ceintures, ça c'est quelque chose de très particulier, où c'est qu'il y a un immense respect, ça aussi dans ce sport, on va dire que c'est un sport qui vient des pays du soleil levant, ouais. Hein, japonais, où c'est que le respect et le... veux dire, l'honneur d'avoir une récompense, c'est quelque chose d'énorme. Comment tu fais pour pouvoir assimiler les ceintures? C'est toi aussi qui, par rapport à une certaine personne et à son évolution, tu donnes les ceintures, tu as cette capacité. Non, la ceinture noire, en fait, c'est vraiment spécial. Quand un gamin, bon, jusqu'à la ceinture marron, c'est le prof qui donne la ceinture marron. Ouais, comment tu fais pour tu l'évolues? C'est toi qui juge, voilà, qui dit c'est bon. Voilà, c'est, jusqu'à la ceinture marron, c'est nous qu'on fait. On fait des tests techniques, hein, quand ils sont jeunes, tout ça, on fait des tests techniques, démarre la ceinture rouge tous les trimestres. Moi, je fais des tests, voir s'ils ont assimilé. Et après, il y a des compétitions qui nous permettent de voir comment ils l'ont assimilé et s'ils arrivent bien à mettre en pratique ce qu'on leur apprend. Et après, à partir de la ceinture marron, dès qu'on veut passer à la ceinture noire, là, c'est la Fédération française de judo qui délivre les ceintures noires. C'est-à-dire que le gamin, il doit préparer neuf techniques qui s'appellent Nage no Kata, technique à gauche et à droite, et ils doivent le présenter devant un jury. Et ces jurys sont généralement 4e, 5e ou 6e dan de judo, donc des hauts gradés. Et donc, une fois qu'ils ont démontré ces techniques, ils ont les kata ou pas, et quand ils ont les kata, après, ils peuvent passer les points, marquer des points de compétition, c'est-à-dire 50 points d'un coup, 5 combats gagnés par Ippon, où ils cumulent 100 points en 1 an, 2 ans, 3 ans, et ainsi de suite. Et après, ils ont un secteur arbitrage, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils connaissent le judo sur toute la partie. C'est pour ça, ouais, parce que tu es en train complètement de m'éclairer, parce que bien souvent, on voit qu'il y a certains judokas internationaux qui discutent un peu le choix arbitral. Parce que pour eux, voilà quoi. Ouais, mais déjà quand ils sont jeunes, bon, on voit de plus en plus, hein, la fédération parle là-dessus. C'est-à-dire que des minimes aujourd'hui arbitrent des championnats de France minimes. C'est bien. Un cadet arbitre des championnats de France cadet, un junior arbitre des championnats de France minimes, cadet et junior. Voilà. Et ça fait que les jeunes, de plus en plus, des bons compétiteurs passent. Là, par exemple, aujourd'hui, on a Alexia Audibert, qui est au Pôle France à Marseille, qui arbitre régional. Et elle est cadette encore. Donc c'est une gamine qui a 17 ans. Et elle fait du judo. Et elle fait du judo d'un haut niveau, puisqu'elle est au Pôle France à Marseille. Ah, tout à fait. Elle est de Monteux, tu vois. Elle est de Monteux. Tiens, fais-moi un petit peu la radiographie. Aujourd'hui, on est bien outillés dans le Vaucluse. Oui. Oui, il y a de bons judokas, là. Il y a le judo club Sorgué. Ils ont une petite qui a intégré l'OM judo avec nous. Il s'appelle Aurélia Petrelli et qui est super forte, qui a fait 3 ce week-end, par exemple, un gros tournoi international excellence cadet sur Clermont-Ferrand, qui est un bon espoir. En plus, bon, après, il y a Lille-sur-Sorgue avec Deleuil Justine, qui a fait champion de France junior. Donc, vous voyez que dans le Vaucluse, il y a pas mal de bons. Tu te situes pas quand même dans une bonne moyenne, puisque tu viens nous dire que bon, ouais, tu coaches maintenant encore une judoka internationale. Oui, Didier. Alors, concernant Justine Deleuil, qui vient de l'athlétisme, même aux Europes, elle a été très haut classée. Oui, elle fait championne d'Europe. Voilà. Elle fait championne d'Europe junior et cadette. Et cadette. Ouais. Et c'est vrai que les bases de l'athlétisme l'ont permis de progresser. Ah. Puis après je vais vous faire rigoler parce que Marie Orsini arrive de l'athlétisme aussi. Ouais. Elle a commencé le judo à 4 ans et moins, mais elle faisait athlétisme en parallèle. Et elle avait fait championne du Vaucluse, championne de province d'athlétisme. Et à un moment, il a fallu qu'elle prenne sa voie, ou l'athlétisme ou le judo. Bon, elle a pris le judo. Bah, disons que rien n'est perdu, puisque les bases de ce sport, puis l'athlétisme, permet après d'évoluer vers d'autres sports, aussi bien du sport court aussi. Ouais, tout à fait. Tu es devenu John Guillaume. Ben, John Guillot n'a pas réussi à se qualifier sur les dernières qualifications pour les premières divs, mais il est qualifié pour le championnat de France de deuxième div. Parce qu'en fait, quand on fait dans les 5 premiers, parce qu'il fait 5 aux demi-finales du championnat de France première div, donc les 3 premiers vont en France, première div, et les 5e vont au championnat de France deuxième div. Donc ça fait que le 17 décembre, il va participer au championnat de France deuxième division. Et toi aussi, tu montes? Ben ouais, pour le coacher, bien sûr. Ouais, non, il faut savoir, quand on regarde ce club, on s'aperçoit qu'il n'y a que des champions. Anaïs, tu deviendras championne de karaté? De judo, pardon. Je sais pas. Comment tu sais pas? Non, tu es encore jeune, tu as encore le temps, oui. C'est vrai. Tu as une marge de progression encore. Ouais, une bonne marge de progression. Il y a en plus, elle a le mental, elle est motivée, elle est bosseuse. Tout se passe bien. Tu as beaucoup de judokas comme ça, là, des jeunes que tu vois leur avenir, on va dire, qui peuvent t'apporter beaucoup. Ben aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je vous dirais que c'est impossible de savoir. C'est d'accord. Impossible. Il y a c'est... toujours cette passerelle de déclic, peut-être, j'arrive. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Non, pour revenir sur ce que dit Philippe, effectivement, des fois, on voit des gamins super talentueux dans les catégories de jeunes et qui se crament pour plein de raisons et simplement parce qu'ils n'ont pas envie. On a eu l'expérience au tennis avec le petit Vèche à Bédaride, par exemple. Mais, et puis, on voit des gamins qui étaient des pompes jusqu'à 15 ans et puis du jour au lendemain, on va comprendre pour quelles raisons ils explosent, et ça. Puis ils font des carrières de fous alors qu'ils n'étaient pas préparés, et même eux ne s'attendaient pas à devenir ce qu'ils sont devenus. Il y en a plein. Je suis très maladroit. Son prénom déjà ? Priscilla. Priscilla, tes prochains rendez-vous en compétition ? Dans 2 semaines. Tu vas où ? À Nîmes. Pour les championnats de France ou non ? Non, c'est un tournoi international. Un tournoi international. Tu seras à ses côtés ? Ah ouais, bien sûr. Bon, tu me tiendras au courant des résultats. J'ai, hein. J'ai votre 5 juniors filles, parce qu'elle va combattre en junior, là, alors qu'elle est encore cadette. Je vais avoir 5 juniors filles, et le samedi, le dimanche, je vais avoir 2 cadettes et un cadet qui combattent. Hein, sur alors, ce moi, ce qui me séduit dans tous les sports de combat, que ce soit unifié de tous, je parle, c'est ces combattants et puis ces judokas qui sont très calmes. L'explosivité est là au bon moment, comme on dit chaque fois. C'est ça. Il faut être bon au bon moment. Voilà, c'est le cas de le dire. Toujours très calme, très souple, mais à un certain moment, ça bouillonne à l'intérieur. Oui. Qui c'est qui veut parler ? Oui. Oui, vas-y, Henri. Je t'en prie. Juste une petite question. Ça concerne, en fait, je ne sais pas à partir de quel poids vous considérez les poids. En boxe, on dit poids lourd, mais la catégorie de Teddy Riner. Est-ce qu'il y a la relève derrière Il y a Cyril Marie qui vient de gagner les premières livres. Non, c'est pas la relève, mais bon, ça fait rire parce que bon, il fait trop au jeu à moins de 100 et il vient de gagner il y a 15 jours les France premières livres en plus de 100. Quoi. Et il y a des jeunes qui arrivent qui sont pas mal, franchement. Qui... Alors, juste pour rebondir sur ce qu'il dit, dans le judo, c'est un petit peu comme le handball. Ah, il y avait les experts, ils disent c'est fini, ils sont morts. Il y en a d'autres. Et au judo, ben, il y a eu Douillet, il y a Teddy Riner, mais il y en a déjà un autre. Qui est déjà, ça veut dire que ce sport est dans la continuité, ça veut dire que qualitativement, en France, on est bien outillé. Ouais, on est très bien outillé. Hein. Il y a du monde à l'INSEP, justement. La différence avec le rugby, c'est qu'ils ont su se renouveler, former des cadres, former des gamins. C'est ça. Et ça se renouvelle, il n'y a pas de creux. Et puis, il n'y a pas trop d'argent, messieurs. Il y a surtout du cœur et de l'envie. Ouais, c'est ça que je fais dans ce sport. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, Philippe, on en parlera jusqu'à demain. Donc, vraiment, c'est vraiment un immense plaisir de t'avoir dans nos studios. Chaque fois que tu viens, ben, on se régale. Ben, on parle judo, on parle un petit peu de compétition. Moi aussi, ça fait plaisir d'échanger. Ce week-end, alors, ça sera... C'est les France par équipe pour nous ce week-end. Donc, d'accord. Tout le monde se déplace à Paris, tu déplaces beaucoup de judokas ? Ben, j'ai un garçon qui va être dans l'équipe de l'OM cadet et 3 intrigoises dans l'équipe de l'OM cadette. Voilà. Magnifique. L'OM, tu as vu, l'OM cadette. Hein. Ouais. Anaïs, c'est mieux, je préfère t'appeler Anaïs que Julie. C'est rigolo, hein. Ça t'a plu la radio ? Oui. Sûr ? Oui. Priscilla, ça va ? Oui. Tu as été très heureux de partager un petit moment avec nous ? Oui. Bon, on compte sur toi, hein. On va te surveiller. Pense que Fly FM parlera souvent de toi. Hein. C'est pas pour te mettre la pression, mais pense-y quand même. Pense-y quand même. Nana, tu n'as pas un mot particulier à dire ? Bon, tu restes que sur le don. Bon, ça va. Messieurs, ben, écoutez, je crois que cette émission touche à sa fin. Merci encore, Philippe. Vive le judo. Et puis, tu nous mèneras, Marie Orsini, un deuxième soir. Ouais, j'aimerais arriver à la ramener par ici. Il faut savoir, le mois de mars, il va y avoir les France première dive par équipe senior sur Marseille. Donc c'est pratiquement sûr ce week-end-là, elle sera là. On va demander à Henri s'il va bien. Bon, pour finir, vite, parce que messieurs, on va rendre l'antenne. Didier, une bougonnade. Alors, félicitations à ces jeunes filles parce que leur avenir est devant elles hein, au niveau des résultats. Puis bonne chance à Priscilla pour Nîmes dans 15 jours. Allez, on va vous laisser dernier mot pour Philippe. Ouais, je voudrais dire un petit mot. Donc ce vendredi à partir de 19h au club de l'US Entraigue, nous recevons Muriel Urtis et médaillé olympique. En athlétisme, qui est 3 fois champion du monde, qui vient nous remettre un chèque de sponsor du Crédit Agricole, puisqu'elle fait. C'est samedi, tu m'as dit. Hein. Non, vendredi, partir de 19h à l'US Entraigue. Mais moi, je propose que Didier y soit pour prendre des sous. S'il veut, il peut venir, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu seras là, Didier ? Vous pouvez vous avancer, et donc ça me fait un grand plaisir de la recevoir chez nous. Quoi. Merci, bye bye, à très bientôt. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Béduci, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.beduci.fr.